En Corée, des succès sont enregistrés dans la campagne contre les dégâts de la sécheresse. Les militaires et civils coréens ont arrosé suffisamment au total plus de 80 000 hectares de terres cultivées à l'échelle nationale depuis le 25 jusqu'au 29 juin. Dans la province du Hwanghae du Nord, les militaires ont donné la priorité à l'acquisition des sources d'eau en faisant tourner à plein régime le matériel roulant, les moteurs, les pompes et les arroseurs pour pomper chaque jour des milliers de mètres cubes d'eau. Dans la province du Pyongan du Sud, les militaires ont creusé quelques 500 prises d'eau et plus de 1400 puits et construit les canaux d'eau longs des dizaines de kilomètres et agrandi les canaux d'eau des centaines de kilomètres de distance. Les paysans et femmes ménagères des provinces du Hwanghae du Sud, du Pyongan du Nord et du Hamgyong du Sud, ainsi que des fonctionnaires volontaires des ministères et établissements centraux, surtout le Comité national de la planification, le ministère de l'Industrie mécanique et le ministère de la Protection du territoire national et de l'environnement, œuvrent de leur mieux pour remédier aux dégâts de la sécheresse.